Un colloque dans une chambre, une colloque dans une chambre, un colloque dans le grenier. Cette semaine, on a maté Petit meurtre entre amis et on en parle tout de suite. Alors, ma flatte, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Petit meurtre entre amis, Shallow Grave, titre original réalisé par Danny Boyle. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Greg, bonsoir Greg. Bonsoir à tous. Je suis inclus dans le tous. Et nous ne sommes que trois cette semaine. Encore une fois, malheureusement, on s'est fait planter coup sur coup. Ah, on accuse le coup. Ouais. Ouais. C'est un coup derrière la nuque. T'en as une, toi, ou pas? Oh, sois réactif, hein. Cette semaine, on parle de Petit meurtre entre amis de Danny Boyle, sorti en 1994 de 93 minutes avec Kerry Fox, Christopher Eccleston et Ewan McGregor. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait avec un fort accent à ça. Are you comfortable, Cameron? Yes, thanks. So tell me, Cameron, just tell me, because I'd like to know, what on earth could make you think we'd want to share a flat like this with someone like you? I'd like to ask you about your hobbies. Why do you want a room here? Do you smoke? You must be Hugo. So I can have the room? Yes, you can have the room. Yeah, Hugo, can you open your door? Alex, what are you doing? Just looking. Don't look. No. It's not every day I find a story in my own flat. It's not a story, Alex. It's a corpse. Voilà, voilà. Donc là, la musique de Festival, ouais, elle commence à me casser les couilles. On va arrêter la bande-annonce. Putain, ça, c'est de la bonne trance. Bah, ouais, c'est de la trance Goa. Hein. Ouais. Je la connais. Hein. Toi, t'as connu ça. Ça te rappelle tes rêves parties, Greg. Ouais, d'accord. Moi, ouais, je vous conseille de regarder ce film avec 2-3 buvards. Vous allez voir, ça fait le même effet. J'ai pris une tisane à la place. C'était peut-être un peu moins funky. Mais... Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, de ce film? Alors, moi, déjà, j'aimerais juste, excusez-moi, passer une annonce personnelle. Je vais juste dire, Barbara, Julie, si vous nous écoutez, donnez-nous des nouvelles. On sait pas où vous êtes passés. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne répondez plus. Le téléphone coupé. Ah, moi, j'ai laissé au moins 60 messages. Bah oui, je ne sais pas. Je commence à s'inquiéter, du coup. Bah, vite. Moi, je voudrais faire un message à ceux qui proposent les films. En fait, ils ont pas bien compris. Je peux pas mettre des films que vous aimez bien. Faut mettre des films qui sont nuls. Non, c'est une très bonne idée parce que ça nous permet de prendre, enfin, de souffler un peu entre deux films complètement moisis. Bah, franchement, j'avoue, j'étais content de le regarder. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé ça bien. Alors, Mickaël, Il est bien. Bah oui, moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ce film en plus, donc du coup, je suis très content de l'avoir revu et j'ai passé un très bon moment. C'est un bon film. J'aime bien Danny Boyle en général, de toute façon. Moi, vu que c'était un film 2 heures de perdu, j'ai toujours l'espoir que ça soit nul à un moment, toujours l'espoir d'avoir un gros truc à noter et j'y ai fait rien, en fait, c'était bien, quoi. Ouais. Eh bien, alors, figurez-vous, messieurs, que je vois ce film à vrai pour la 4e fois. J'aime beaucoup Danny Boyle et celui-ci est un de mes préférés. Il est très très cool. Après, la musique à la gueule. Et les couleurs du film aussi me font mal à la gueule. Non, mais j'exagère, effectivement. Ah oui, je trouve que c'est un putain de film. Je trouve que l'idée est pas mal. Après, il y a quelques petits trucs qui vont pas, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on va dire là pendant 40 minutes? Bah, t'inquiète, moi j'ai des choses. Je sais pas, dans 5 minutes, c'est plié. Allez, moi, je suis rentré. De toute façon, moi j'ai ticket parking, ça expire là dans 20 minutes. Qui résume l'histoire de ce film? Oh bah, c'est pas très compliqué. C'est l'histoire, c'est une coloc de connards. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ah, c'est vrai. Ah, c'est des Anglais en même temps. Qui font passer politique. Hein. Ah, bah, je veux pas recréer la guerre de 100 ans. Hein. On en profite pour saluer Londres. Ah bah Londres, alors là, oui. Vraiment. Et du coup. Ils peuvent plus nous donner d'argent, on a fermé le Patreon. Ils sont déçus, du coup, ils arrêtent de nous écouter. Ils ont pleuré, tu verrais. Et donc, ils passent des entretiens pour trouver un 4e colocataire. Et ils finissent quand même tant bien que mal par trouver parce que c'est quand même long et laborieux. Et banque de bol, ce colocataire meurt à poil dans un lit au bout d'un jour. Et il laisse dans sa chambre une valise pleine de billets. Et là, la question se pose de savoir, est-ce qu'on prévient la police ou est-ce qu'on garde les billets? Putain, mais t'as fait un bon résumé, mec. T'as vu, c'est la première fois, je crois que ça m'arrive. Ouais, enfin bon, on est à 15 minutes de film, là, quand même. Donc continue, parce que c'est pas ça, le film. Ah bah, il décide de pas appeler la police, il décide de découper le corps, de le foutre dans une forêt, et puis de garder les bifetons, sauf qu'il y en a un qui devient zinzin, qui finit dans le grenier. Voilà, c'est la montée en tour progressive d'un déglingo. Le film s'ouvre donc sur un joli petit montage avec de la techno-trans festoche. Non, c'est de la Goa, ça, mec. Dis pas n'importe quoi, ça, c'est de la Goa, quoi. C'est de la trans-Goa. Avec un montage que j'ai trouvé assez nerveux. Un accent, putain, l'accent, il est vraiment costaud. Alors, celui-ci, tu le mates sans sous-titres, tu peux aller te recoucher, je pense, parce que là, c'est vraiment, vraiment coton. D'ailleurs, c'est pas des Anglais, c'est des Écossais. Hein. Ouais. Bah oui. C'est vrai, j'ai fait un amalgame, oulala. Vas-y, on réenregistre tout. On refait toute l'intro, j'ai confondu anglais et écossais, là. et alors là, du coup, ils cherchent un colocataire pour aller dans leur grand appartement. Ça fait au moins 900 mètres carrés, ce truc. Bah, au début, ouais, tu peux te dire, merde, putain, je vais voir une vieille auberge espagnole. Là, tu vois où ils font le casting au début. Et en fait, le casting, il est mortel parce que Ewan McGregor, il est insupportable. Il envoie chier tout le monde. Il est super bon dans ce film. Hein. Franchement, il est bon en général. Il est bon. C'est vrai. Il sort d'où ce commentaire? Bah, on te regarde parce que ça fait une demi-heure que tu fais un accolade à ton micro. J'ai un problème avec mon pied. Faut qu'on se rachète du matos. Hein. Putain, t'as fermé le Patreon en plus, on va plus voir. Et tout ça pour dire que. Alors, par contre, l'appartement est insupportable. C'est un nuancier, il y a absolument toutes les couleurs dans cet appartement. Il aurait fallu faire un point d'écho sur cet appartement. Ah, c'est des Écossais. Hein. Bah, je pense que il y avait du taf pour Dalido, à mon avis, dans ce cas. Alors, il y a un truc qu'on peut pas vraiment savoir, c'est si à Glasgow, tu vois, les apparts sont vraiment énormes comme ça, ou si c'est comme à Paris, où t'as des apparts de merde, et en fait, c'est pas du tout la réalité. Bah, en même temps, on sait pas. C'est quand même une coloc avec un médecin, un comptable, et Ewan McGregor, je sais pas ce qu'il fout, d'ailleurs. Il est journaliste. Donc, je veux dire, s'ils avaient été étudiants, t'as pas regardé le film, là. Ah si, j'ai regardé le film, mais... Toi, tu l'as regardé en accéléré ou pas? Non, j'ai tout savouré. Tu l'as regardé dans ton lit ou pas? Donc là, il y a Hugo qui arrive, puisqu'on cherche un colocataire, on le trouve pas. Et là, il y a Hugo qui sonne à la porte. Et alors, Hugo, pour tous les autres, c'était des putains de bisous. Lui, il est un peu mystérieux. Il écrit des bouquins, mais ça a l'air un peu faux. Il est beau. Il est beau, Hugo. Ouais. Il est beau, je sais pas. Ouais, il est plus beau que son prénom. J'ai rien contre les Hugo en général, mais je trouve pas que ce soit très beau. Ouais, bon, si tu veux, il est beau. Bon, oui. Tu peux pas poser la question. Et donc, Hugo, il emménage. Ouais, il a pas beaucoup d'affaires. Hein. Il a juste des seringues et des bifetons, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ouais, ce qui peut déjà, tu peux bien déjà t'occuper avec ça. Hein. C'est vrai. Et il y a un trans-Goa en plus, là, c'est bon. Et il y a un premier bail avec Hugo, c'est qu'on le voit jamais. Hein. C'est pas délire avec Hugo. Hein. Bah, disons que la. Oui. La vache. Elle est bien celle-là. C'est Karen Cheryl qui génération 84. Dans... Quoi, attends, qu'est-ce qu'elle devient, Karen Cheryl, d'ailleurs? Bah, elle m'a appelé. Elle va très bien. On peut l'inviter sur ce plateau, lui. J'aime la radio. J'aimerais bien qu'elle vienne. Ouais. Elle fait aussi les grands du rien sur France 3. Ah oui, avec Yves Lecoq. Pour ceux qui ont déjà essuyé des grosses gueules d'hub le dimanche et qui zappent sans faire exprès c'est sur France 3. C'est le samedi midi, hein. C'est ouais, la gueule du vendredi. C'est le du vendredi, pardon. Donc, Hugo, on le voit jamais. Et alors, pourquoi on le voit jamais, Mickaël? Parce qu'il est dead. Moi, j'avais un. Trop de rabla, fils. Bah, on le voit pas parce qu'il est mort. Il est mort tout nu sur son. Il est mort tout ouais, nu. Alors, il est mort bizarrement quand même. Hein. Je sais pas ce qu'il foutait d'ailleurs. Non, mais attends, mais il est mort, on dirait un tableau. Tu sais, il est genre. On a l'impression qu'il est en train de se faire peindre dans le Titanic. Surtout, il est au milieu des fruits. Il a des grappes de raisin. Il a le médaillon du Titanic. Et ouais, il a un trépied posé devant. Pas moi comme une princesse, en fait, ouais, Jack. Ce qui est bizarre, c'est qu'on sait même pas. Il a même pas de seringue plantée dans les bras. On sait pas s'il a fait une OD. On sait pas vraiment. Mais oui, il a rien. Le gars, t'imagines, c'est-à-dire qu'il s'est planté. Après, il a rangé tout son matos et ensuite il a fait son OD tout seul, sans faire de bruit. Ouais, ouais, c'est louche cette affaire. Hein. Ouais, je sais pas. Non, mais à mon avis, il devait vraiment poser pour un peintre, hein, je pense. Hein. Il y a encore le papier. Et alors là, il le découvre. Et bon, ça. Enfin, il le recouvre plutôt parce que. Après, c'est aussi l'esprit du film et tout. C'est pour que ça monte un peu en tour entre eux, mais. Je veux bien admettre qu'ils sont un peu tordus les Écossais, mais moi je trouve un cadavre dans la piole d'un coloc que je connais pas. Bah déjà je pense que ça va pas très bien pour moi tout de suite et j'appelle directement les flics. Enfin je pense que je pars de la place. Ah non justement. Là eux ils fouillent leur, là ils fouillent ses poches. Il y a que à la limite McGregor au début c'est celui qui paraît le plus taré. Bon, ouais, il se trouve que le plus taré, après, c'est celui qui a les lunettes, je sais comment qu'il s'appelle. Et donc, McGregor, il est bien dans son rôle. Celui-là qui a les lunettes, celui-là. celui-là qui a les lunettes. Donc McGregor, il est super chaud et il cherche, il fouille. Il tombe sur les seringues et puis bah au bout d'un moment, il tombe sur le paquet de bif quoi. Il veut du bif. Non mais surtout, attends, mais il y a le cadavre qui est sur le lit. Il touche à rien et là il commence à tout fouiller genre en mode ouais, il cherche toutes ses affaires. Mais même les deux, ils font Erwan, tu fais quoi là? Erwan. C'est un podcast francophone, on traduit. Hein. Dans la version française, il l'appelle Erwan. Kergelek. Erwan Kergelek. Erwan McGregor. McGregor. Et surtout, ils font, mais attends, Erwan, tu fais quoi là? Et là, il fait, ouais, bah attends, on fouille ses affaires et tout. Et là, elle fait, mais il y a un cadavre quand même et tout. Mais je te trouve déjà bien détendu, les deux. Et, ouais. Et là, il ouvre. Et paf, il y a une valise. C'est ce que je viens de dire tout ça. Là. Ouais, ben je redis. Pleine de livres. Alors pas des livres à lire, des livres sterling. Oh, ah, mais non. Oh, la vache. Ouais, pas mal. Oh, ça sent. Non mais là, Hugo délire plus celle-là. On n'est pas passé à l'euro déjà. Non, c'est plus. Non, mais c'est le Coca qui fait cet effet. Attends, mais ouais, je pense. Ouais. Mais surtout qu'en plus, c'est peut-être même pas des livres. En Écosse, ils avaient la même monnaie. Ben oui. Mais ils l'ont toujours, hein. Bah, j'en sais rien. Ça existe encore l'Écosse. Bon bref. Donc c'est une valise pleine de billets et là vient se poser la question telle les petits mouchoirs, que fait-on? Est-ce qu'on va voir la police ou est-ce qu'on part en vacances? Réfléchis avant de... Non. Oh, je t'en prie David. Non. Juliette? Non Alex, c'est... C'est quoi? C'est infaisable. T'as pas autre chose? Tu veux dire immoral? Tu permets? La seule chose que je vous demande, c'est d'y réfléchir. C'est du délire, Alex, du délire. Mais ne me dis pas que c'est pas tentant. Ne me dis pas que t'es pas intéressé, je te connais suffisamment. Ah oui, tu es sûr. Allez, vas-y, décroche ton téléphone, personne t'en empêche. Appelle-les et dis-leur que tu as trouvé une valise pleine de billets et que t'en veux pas. Antoine, c'est du délire. C'est du délire, Hugo. Bon, ouais. Celui qui fait la voix d'Erwan, c'est pas celui qui fait la voix de Léonard de Capri. Léonard du Capri. Ouais, alors il y a plein de références. Déjà, il y avait la position de peintre. Hein, ouais. Et j'en ai encore une autre après, une référence à Titanic. Mais ouais, c'est la voix de DiCaprio qui fait aussi la voix d'Ewan McGregor jeune. Il me semble que c'est lui aussi dans Trainspotting. Et alors là, c'est tout de suite un montage avec de la musique joyeuse. Et en fait, le dilemme, je trouve que ça va relativement rapidement. C'est il y a de la thune, on n'appelle pas les keufs, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ils savent pas quoi faire. Donc le comptable, enfin celui qui a les lunettes, celui-là qui a des lunettes. Et bah, lui, c'est une pisseuse. T'as vu, il va appeler les condés direct. Bah, lui, il est plutôt pas. Il est plutôt pour appeler les flics, mais en fait, il les appelle pas. Donc, en fait, il retourne bosser en pensant qu'il va rentrer puis que le cadavre se sera envolé. Sauf qu'il est toujours là. Au bout de 3 jours, tu vas appeler les flics, tu vois. C'est ouais. au bout d'un moment. Mais en fait, pour élever un petit peu le niveau de ce podcast, vous feriez quoi? Hein? Vous feriez quoi? Toi, tu ferais quoi, Mickaël? Mais non, prendrais le bif? Toi, tu prendrais le bif? Réponds là, de but en blanc. Non, mais toi, Greg, on sait tous que tu prendrais les seringues. Non, mais Greg, c'est du délire. C'est du délire, Greg. Non, mais mec. Non, mais réponds, tu prendrais le bif. Personne. Non, mais évidemment, tout le monde a exactement la même réaction. C'est, je prends 1%, je prends 10% de la somme qu'il y a dans la valise. Je la cache, mais je la méga cache. Et ensuite, j'appelle les keufs et je fais voilà, blablabla, il y a le cadavre, venez le chercher parce que ça pue. Fin des bails. Non mais là, eux, ils sont là en mode, bon, on prend la thune et après on continue à travailler. Après, on retourne au boulot de Trunks en laissant le cadavre là. Et c'est qu'au bout de 5 jours qu'ils font, bon, ouais, ça fouette là, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Et là, c'est pas genre on s'en débarrasse, bon allez, on le jette dans le lac et basta. C'est, je pense qu'il va falloir faire, il va falloir découper tous ses membres un à un, lui éclater la tête avec un marteau. Ouais. Enfin, c'est quand même, ça monte un peu en tour assez rapidement. Il y a pas grand chose qui les empêche d'appeler les flics et de planquer le pognon, tu vois. À la non, limite. Mais si, parce qu'à la limite, tu peux te dire que les flics, ils savaient qu'il a une somme d'argent, ils vont vouloir la récupérer. Mais tu peux prendre un petit bout, quoi, tu vois. Ouais, tu prends un petit bout. Non, mais même, tu prends ta part du gâteau, frère. Non, mais bon, les gars, je vous propose, chacun prend 4 euros. Non, mais limite, tu l'attends, c'est moins pire que de tuer 50 gars, quoi. Et d'avoir la mafia au cul et. Et bon, bah, ouais, c'est mon avis, hein. Moi, je l'aurais pas pris, de toute façon, ce pognon. J'en voulais pas. Mais toi, t'es déjà bladé aux as. Ouais, non, bon, mais ça. C'est ça. Ils vont, moi, c'est ce que j'ai écrit sur ma fiche. Là, l'autre, il va au boulot. Les autres, ils commencent à faire leur bail. Ils sont plaisir et tout. Mais il y a un putain de cadavre dans l'appart, quoi. Ouais, non, mais t'imagines, t'es en coloc et tu sais que dans la piole, là, il y a un mort. Et toi, t'es là, genre. Il passe trois nuits au moins avec le cadavre. Celui-là qui a les lunettes, il l'a toujours pas enlevé, là. Il se dit qu'il y a encore. Ils ont une bonne capacité de l'abstraction. C'est vrai que là, on peut reconnaître ça. Mais le truc, c'est qu'en plus, ils ont du pognon. Et ils en profitent pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils vont au pub, et ils boivent du champagne, super. Bon, en fait, change rien, je pense qu'ils s'en rendent pas. Ils tiltent pas. Ils en ont pas conscience. Ils percutent pas. Non, mais c'est ça, de toute façon, les Écossais, ils percutent pas. Ils font un déni parce que il y a la scène où ils vont au pub, ils voient avec le cadavre. Ils voient un poil, ils lui paillent les verres. Et alors là, c'est là où j'ai trouvé quand même je trouve qu'il y a quand même un petit raccourci. C'est bon, franchement, ça pue trop. Faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est ça l'argument de la meuf. Et là, il y a un cut. Il achète du déo. Et là, ils sont roi Merlin, quoi. Ils sont le roi Merlin. Oui, roi Merlin. Tu confonds avec le roi qui t'aide. Ils sont roi Merlin. Et là, genre, ils sont partis et ils choisissent des outils, mais extrêmes. Et ça les fait marrer, quoi. Genre, ils sont là, ouais, regarde, ah non, ça les fait pas marrer. C'est non, celui-là qui a les lunettes, il rigole pas trop. Celui-là qui a les lunettes, il a peur. Mais l'autre, Erwan McGregor, il est en plaisir total. Il fait, ouais, regarde, perceuse. Il est trop chaud. Mais il sait son rôle. Il avait pas les moyens de chercher les outils avant. Moi déjà, je serais comme ça au roi Merlin. Je serais là, genre, putain, j'ai trop peur. À le roi Merlin. Bah, les aficionados disent au roi Merlin. Et alors, pendant ce temps, il y a les deux mecs de Maman, j'ai raté l'avion, qui désignent d'autres types pour essayer de les retrouver. Oui, c'est vrai. Ils ressemblent trop aux casseurs flotteurs. Ouais, ils sont un peu plus violents, quand même. Il y en a un qui ressemble trop, parce que heureusement qu'il a pas tué le gamin dans la mémoire comme il le fait dans Petit Meurtre entre amis, parce que ça aurait été un peu plus hardcore comme film. Avec la petite musique. Et donc là, donc on sent qu'il y a deux manos qui sont quand même à la recherche du pognon, ouais, en parallèle, et ils torturent, ouais, des mecs. Et là, ça. Ah bah eux, ils s'en foutent de laisser des traces, hein. Visiblement, ils laissent les cadavres, ils s'y vont tranquillement. Ouais. Pied à l'envers. Pied à l'envers. Ouais. Là, tu peux difficilement croire au suicide, là, quand même. C'est pas très bien maquillé, quoi. Genre, ouais, vas-y, laisse-le la tête dans la baignoire, les pieds en l'air. Bon, c'est cool. Ah, il s'est suicidé, je pense. Hein. Il a pris le soin de s'attacher les mains en arrière. Ça ne fait aucun doute. de se faire un hématome au crâne et de se noyer à l'inverse, les pieds en l'air dans sa baignoire pleine de sang. Je pense que c'est un suicide. Ou un accident. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils y pensent pas au début, que ça peut être, tu sais, genre un gros paquet de pognon qu'ils allaient avoir la mafia sur le dos, tu vois, ou un truc comme ça. Mais si, ils y pensent, parce que c'est pour ça qu'ils disent, il faut vraiment qu'on se débarrasse du corps. Et là, c'est pas simplement, parce que même à la limite, tu te dis, on va se débarrasser du corps. Ok, on va trouver un endroit, on va l'enterrer. Non. L'objectif, c'est qu'on va lui couper pied, main, à la scie. Ça, on va le récupérer, on va l'incinérer à l'hôpital de la meuf. Par contre, le cadavre, sans les bras et les pieds, ouais, on va l'enterrer. Et la tête, on va lui mettre des gros martelets dedans, parce qu'il faut qu'on récupère les dents. Non, mais c'est hardcore, c'est hardcore à faire, quoi. Ah, moi, c'est pareil, hein. Moi, je prends le pognon, mais ça, je le fais pas. Hein. Moi, je vous le dis. Tu veux jamais faire le sale boulot. Moi, le truc des dents, je peux le faire. Ça, j'ai déjà fait. Ça, c'est une formalité pour moi. Mais les bras, c'est dégueu. Ouais, bah, donc il tire à la coupe. Bon, ouais, le problème, oui, c'est que du coup. Qui c'est celui-là qui va couper? Et bah, c'est celui-là qui a les lunettes. Non, mais là encore, tu sais, il pourrait se dire, franchement, on découpe chacun un membre. Ouais, et mais après, qui couperait le quatrième? Bah là, la limite, on fait ça. Et là, du coup, c'est courte paille, et malheureusement, celui-là qui a les lunettes, il va perdre. Jamais. Oh, t'inquiète pas pour ça. C'est vraiment nécessaire. Oui. Allez, vas-y, tout ou rien, on a dit. C'est un bâtard, Erwan, franchement. Qu'est-ce qu'il fait là, Léonard de Capri? C'est du délire. C'est un bon extrait audio, ça, j'avoue. Ouais, il est costaud. La musique est vraiment pas mal. La musique est cool. Ça pourrait faire une pub pour le roi Merlin aussi. Alors, il va se vomir dessus, évidemment. Hein. Mais ça, c'est bien fait aussi, c'est assez réaliste. Parce que moi, non, enfin, mais j'ai déjà fait. La première fois, t'es obligé de te gerber dessus. Hein. C'est évident, quoi. Bah, faut manger léger avant. Hein. Alors, mais lui, il avait bouffé un Welsh ou une connerie comme ça, un truc d'écossais. En plus, parce qu'il paraît, c'était un peu chargé la bière. Une bonne pinte de Guinness. Alors, franchement, mais si, mis à part le truc de, que je trouve que c'est un peu extrême d'aller directement charcuter le mec, à partir de ce moment-là, le film, je trouve qu'il est assez réaliste dans les attitudes qu'ils vont avoir. Sauf celui-là qui a les lunettes, lui, il va vraiment. Là, il y a un processus de pour devenir déglingo qui va être assez puissant. Quand même. Ouais, mais c'est bien fait parce que il y a que lui en fait qui se mouille, quoi. Et ça, c'est complètement con parce que tu sais bien qu'après, ça va faire un déséquilibre. Il y en a un qui a découpé tout un corps et les autres, ils ont rien fait, ils ont la même part du pognon. La meuf fume sa clope tranquillement et Juan McGregor fait un flipper du coup, en le regardant. Et bah si, parce que alors pour le coup Ewan McGregor lui il va jeter la bagnole dans le lac, c'est lui qui va s'en charger. Ah, c'est vrai qu'il met un peu la main là-bas. Mais bon, ça c'est un peu cool encore comme délire. Et elle va charger de jeter les bouts. Pourquoi il a pas cramé cette bagnole, c'est complètement con aussi quoi. Parce qu'on sait qu'une bagnole ça se retrouve, regarde, ils ont vidé le canal Saint-Martin, ils ont retrouvé des squatters. T'avais jeté les trucs au canal Saint-Martin. Un squatter. Voilà, c'était l'occasion d'y aller, il était vidé, il y avait des jolis deux roues. Récupéré. Bon, il y a un peu de décapage à faire mais. Alors ensuite, c'est la fête. C'est la fête du Titanic en plus, puisque c'était la même musique, Ah oui, j'ai mis très mal la musique du Titanic. Mais il y a une espèce de pot où ils vont se mettre une torgnole au champagne. Sauf le bisou qui veut pas boire. Il nous fait chier, hein, quand même, celui-là, quand il les lunettes. Il a perdu l'appétit, hein. Alors ça y est, sous prétexte qu'il découvre un cadavre tout seul. Alors là, il va nous faire la gueule jusqu'à la fin de la soirée. Il communique sa mauvaise humeur. Rabat-joie. Mais là, en plus, tu sais, j'avais écrit sur ma veille, j'ai fait, déjà qu'il était intraverti, découper un cadavre, ça l'a pas arrangé. Et là, par contre, il y a Brian McKinley qui veut danser avec la nana. Ouais. Et alors là, il va monter en tour. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Oui, il va se lever, il va lui mettre coup de pression. Mais alors coup de pression, CP, exactement. Un gros CP. Et là, Brian McKinley, il fait mais c'est QLB, c'est quoi les bails? Ouais, c'est ça, exactement. Mot pour mot. Et je sais pas comment ils le disent d'ailleurs en écossais. What are the bails? Et ensuite, Ewan McGregor, il va se faire péter la gueule par un petit rouquin. Ouais, mais en même temps, il méritait, hein, parce que depuis le temps qu'il cherche Erwan, depuis le début, il fait sa grande gueule. Il le chauffe. Ça allait lui tomber sur le coin de la gueule un jour ou l'autre de se faire péter la queen. C'est vrai que ça lui attendait un peu. C'est pas parce qu'il est roux qu'il est sans défense, hein. Attention. Et ben voilà, et ben donc il se fait rétamer. Ensuite, on a droit à un magnifique montage dépenses monétaires. Revenir à cette soirée Titanic avec les Écossais, c'est assez drôle parce qu'on voit qu'ils sont bourrés, donc ils dansent ensemble, enfin le McGregor et la coloc là. Et en fait, McGregor tombe et il tombe au pied de quatre mecs qui sont rangés en ligne. On voit pas en fait, on voit juste leurs pieds. Tu sais, c'est juste un insert, on voit juste leurs pieds. Et les mecs ne bougent pas. Je sais pas si c'est les videurs ou je sais pas quoi. Les mecs ils bougent pas, ils regardent McGregor probablement. Donc alors ils le relèvent pas. C'est vrai que personne l'aide, personne se décale. Il y a une tension sexuelle d'ailleurs entre lui et les quatre hommes. Entre lui et le petit bouquin. Enfin non mais il y a cette espèce de trio que je trouve assez intéressant en plus. Et alors là il y a un montage dépenses monétaires. Avec de la trance, de la goa, justement. Ah là, c'est de la goa. Et là, ils vont acheter pas un caméscope, mais six, parce qu'ils vont se filmer en train alors de filmer au caméscope. Il faut savoir que quand on devient d'un seul coup du jour au lendemain millionnaire, qu'est-ce qu'on achète? Donc des poupées, des voitures téléguidées, trois caméscopes. Ensuite, va se débranler et on va s'habiller en femme. Oui. Ils font absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que même s'ils avaient pris que 1000 livres dans la malle, ils auraient pu faire ce qu'ils ont fait, tu vois. Donc ça sert à rien d'en avoir 600 millions, quoi, tu vois, au bout d'un moment. Et en fait, je sais pas, ils font rien. Là, c'était le moment de s'éclipser, de prendre des vacances, se barrer un petit peu, voir. D'acheter une bagnole. Au cas où ça vire chocolat. Ouais. Voilà. Et eux, ils vont juste bosser. Non, mais c'est vrai que c'était le moment de partir, quoi. Enfin, c'était le moment de disparaître, fin, quoi. Tu changes de ville. Enfin, tu déménages, on te retrouve jamais, c'est bon, c'est fini. Et alors là, celui-là qui a les lunettes, il va rentrer. Lui, il était pas dans le délire de s'habiller en femme. Non, il préfère dormir en grenier. Il aime pas ça, celui-là qui a les lunettes, il aime pas ça, s'habiller en femme. Et lui, il est toujours dans son délire vachement égoïste de « Ouais, c'est moi qui ai découpé le cadavre. » Il pense qu'à lui. Hein, il pense qu'à lui. Et alors là, du coup, ça, il va se vénère, il va monter au grenier et il va installer son matelas et un petit cadenas pour remettre. Il va bloquer la trappe. Parce qu'il faut savoir qu'il possède l'appartement et l'entièreté du grenier où il n'y a rien. Oui, il y a rien dans le grenier. Si. Il y a une grosse boîte en bois avec de l'eau dedans. c'est les ballons, hein. C'est les ballons d'eau chaude, hein, en Écosse. On sait pas ce que on appelle ça un ballon d'eau tiède. On sait pas ce que c'est, mais ça se trouve middle warm water balloon. Quoi, vous avez pas ça dans votre grenier, vous? Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à nous dire. C'est quoi ça? En tout cas, n'hésitez pas à y stocker des choses. Et alors là, moi, la première question que je me suis posée, c'est comment il monte tout seul son putain de matelas. Alors, déjà, un matelas IKEA pour le déplacer d'une pièce à l'autre. C'est vrai que c'est pas alors pour le monter à 2m50 sur une échelle. De toute façon, il va plus bosser, il a que ça qu'à foutre. Il a toute la journée pour monter un matelas, ça va. C'est oui, bon. Se pose la question aussi du chauffage, parce qu'à mon avis, il doit faire un peu frisquet. Hein. Mais c'est parce qu'il avait trop chaud dans sa chambre qu'il monte dans le grenier. Après, il fait des petits trous pour pouvoir avoir de la chaleur qui monte. Ah non, c'est pas pour ça. Et alors là, ensuite. À noter qu'il pose tous ses RTT, parce qu'il va plus travailler. Ouais, il va plus travailler. Parce qu'à un moment, il a plus de RTT, il va falloir qu'ils prennent des congés payés. Excuse. Voilà. Et après les congés payés, comme il a pu. Écoute pression. Voilà. Il va falloir qu'ils trouvent des excuses pour pas aller au travail. Et alors, là, il y a une Mimi Meringer raté l'avion, mais sans préparation, puisque les deux mecs, les deux casseurs flotteurs, bah là, ils arrivent et pour le coup, ils vont les désinguer, quoi. Ils ont pas eu le temps de mettre les pièges. Et là, bam, McGregor, il va se faire péter les tibias. Ah, il se fait péter. Les tibias. La nana, elle se fait un peu secouer, je trouve, hein. Franchement. Ouais. C'est vrai, plutôt. Et alors, il y a que Kevin qui est resté dans le grenier. Alors qu'il a peur du grenier, à la base. Ils le disent au début du film. Moi, j'aime pas aller dans le grenier, j'ai peur. Kevin, là, il est dans le grenier, sombre, et il a un marteau. Et alors là, c'est le processus, quand même. Ça te change un homme de découper un cadavre à la cible. Parce que tu te transformes en tueur de l'extrême, quoi. Ouais. Non, mais je pense que, c'est un processus normal. Hein. Ça a été étudié par Danny Boyle, ça. Petite anecdote. Hein. Il a étudié tout le processus de devenir des glingos et ça en fait partie. Voilà. Et il va mettre deux coups de marteau au manège. Bien placé. Ouais, bien placé, c'est-à-dire en haut de la tête. Ça fait un bruit assez sourd. Hein, vous entre essayerez. Les deux yeux. Et n'hésitez pas à essayer sur les avec animaux les morts. Enfants. Hein, avec les enfants. Ouais, avec les enfants. Je trouve que c'est une bonne activité à faire avec les enfants. Ça et le ski cross. Puis prendre des médicaments aussi. Voilà. Donc maintenant il va falloir se débarrasser de ces deux nouveaux corps. Alors là il n'y a plus de courte paille. Le déglingo il fait c'est moi qui ai fait. Je suis chaud. Ça m'a chauffé franchement. La première fois en fait c'est dur. Mais après tu vois après j'y prends le coup de main. En même temps fallait rentabiliser le matériel acheté chez Leroy Merlin hein. Bah non mais là pour moi en fait franchement en vrai je suis le mec qui a les lunettes. Je fais vous déconnez. Je suis là qui a les lunettes. Je fais vous déconnez. Moi j'ai fait le premier, vous allez faire les deux autres. Hein. Enfin c'est faux. Vous allez on va faire en chacun. En même temps quoi. C'est lui qui les tue. Donc. Ouais en même temps il s'est foutu tout seul dans la merde. Hein. Ouais mais il leur a sauvé la vie quand même. Ouais c'est vrai. Je sais pas. Moi je trouvais ça un peu pas cool. À partir de ce moment je trouve que le film va monter en tour. Trahison féminine de type billet pour Rio puisqu'elle va s'acheter des billets en scred pour partir à Rio de Janeiro qui n'est pas la capitale du Brésil. Voilà. Ouais, je voulais le souligner. Petite anecdote, la capitale du Brésil est Brasilia. Voilà. Pour tous nos auditeurs, merci. Voilà. Pour ceux qui regardent un jour, souviens-toi l'été dernier 2. Ouais. Voilà, il sait. Parce qu'en fait, au début du film, elle gagne un jeu concours pour aller sur une île et elle dit Rio, capitale Brésil. Elle gagne le jeu et à la fin, le tueur lui dit c'était Brasilia. Donc t'aurais pas dû gagner, t'aurais dû te douter. Merci, c'était merci. Un piège. Voilà, je vous conseille de comme le regarder. Comme ceux qui regardent L'homme de Rio aussi. Voilà. Très bon qui film. Qui se passe à Brasilia. On fait une émission sur Rio ou sur Bah on va peut-être changer là vu qu'il y a plus grand chose à dire non. Non si. Et donc à Rio, attends, t'as goûté les maracuyá con leche ou pas? Ah on profite pour saluer nos auditeurs de Rio. J'aimerais dire bonjour en brésilien mais je ne sais pas le faire. Alors le déglingo lui il se fait chier parce que dans son grenier on voit pas grand chose donc du coup il va faire des trous dans le plancher du grenier donc l'équivalent du plafond dans l'appartement. Alors moi une question juste une question technique. Oui. Oui donc c'est pour espionner tout le monde. Une question technique c'est qu'en fait il descend dans l'appartement uniquement quand il n'y a ni la nana ni son coloc pour se nourrir par exemple parce qu'il a rien là-haut. On va te répondre. Comment... On est là pour te répondre. Oui. Comment il fait le dimanche quand ils sont en congé, qu'ils sont tous les deux dans l'appart, qu'il pleut dehors et qu'il reste, il mange pas du coup. Moi je pense. Est-ce qu'il paraît jeune. Ouais. Plusieurs fois il a jeûné. Plusieurs dimanches il a jeûné, mais il y a aussi des dimanches où il avait fait paquet des réserves. Paquet de chips. Paquet de chips. Voilà. Et alors là. Tu as la question. Ça va. N'hésite pas à intervenir. Donc là, le grenier se transforme en spectacle de Jean-Michel Jarre, hein, puisqu'il y a des jolis lasers qui sortent du sol. Ouais. Et quand même, Ewan et la gonzesse, ça les fait un peu flipper quand même, ce petit coup des trous là. Ah oui. Je ne veux même pas en parler. On n'a pas le choix. Non, je refuse. Tu as peur? Non, j'ai absolument pas peur. Je suis juste un petit peu terrifié, sans plus. Tu as pas vu ce qui est arrivé à ces deux types qui ont essayé de faire ça? Quand ils sont montés, ils étaient vivants, et c'est des morts qui sont descendus. T'as remarqué ce détail? La différence veut dire vivant, mort, mort, vivant. T'as remarqué? C'était flagrant pourtant. Il les a tués tous les deux. Et ensuite, il les a coupés en morceaux. Oui, mais toi, tu risques rien. Et pourquoi ça? Parce que tu es plus intelligent que lui. Oui, c'est ce que j'ai toujours cru. Voilà, petite parenthèse, je trouve qu'il joue pas mal. Ouais, c'est ce que j'étais en train de c'est dire. C'est assez rare d'ailleurs. Les trois, tu veux dire? Les trois, je voulais dire la même chose que j'ai oublié de le dire. Requiem for a Dream, je trouve que le doublage VF est très bon aussi. Et là, là je trouve que c'est ouais, pas mal VF du tout. Pas hein, mal, franchement, ouais. Je l'ai pas vu. Là, je l'ai pas revu en VF, mais les extraits que j'ai pris, franchement, c'est assez exactement correct, ce que j'étais en train de me dire. Ça se trouve, ce man, il fait des films. Ce qu'on a déjà vu sa tête. Hein. Non. Okay. Ah, le... Je sais qu'il fait un podcast. Je sais qu'il fait un podcast en ce moment même. Ah bon? Ouais. C'est vrai. Ouais, il est dans le podcast game, t'as vu? Il essaie de nous doubler ou bien? visite de la police. Alors, tension attends, de la police. Attends, tu parles de celui-là qui a les lunettes? Non, celui-là qui double Erwan McGregor. Erwan qui double Erwan. Alors, visite de la police, pareil, tu sais, ce truc un peu surréaliste, tu sais, des policiers super mielleux, on a l'impression qu'ils savent, on sait pas, ouais, ils ouais, sont ouais, hyper ouais, oppressants. Ouais, mais ça, je trouve ça, ça vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal, parce que ça fait aussi un peu la parano de Erwan, tu sais, genre, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il sait pas, c'est... Moi, je trouve que c'est bien relaté, hein. Non, mais à l'origine, ils viennent pour le cambriolage. Ils viennent pour le cambriolage, parce qu'il y a un cambriolage dans l'appartement. Ouais, mais du tu vois, ils posent des questions, ils sont hyper, hyper bizarres, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que les mecs, les flics qui enquêtent sur le cambriolage, enquêtent aussi sur le cadavre qui a été retrouvé 6 km plus loin dans la forêt, quoi. D'ailleurs, comment ils les retrouvent? Ils disent ça ou pas? C'est non, je sais pas comment ils retrouvent. Des gardes champêtres. Des gardes champêtres, parce qu'il faut le trouver. Il y en a en Écosse encore, hein. Il y en a en Écosse. Hein. Alors, donc la nana, elle commence à flipper parce que le déglingo, il devient vraiment déglingo. Et du coup, elle décide de team up avec lui. Donc elle va coucher avec lui. Smart move. Ça c'est un peu l'avantage quand même d'être une femme, c'est que tu peux un peu jouer ce double jeu. Ewan McGregor. Un seul avantage. Ewan McGregor, il aurait pas pu faire ça. Erwan, non, c'est pas possible. Erwan, il peut pas. Ouais, Erwan, il aurait pu lui amener de la Guinness ou un truc comme ça, quoi. Mais non. Ouais, mais ça marche pas. Donc du coup, elle va team up avec lui. On sait pas. Ils sont tous en train d'essayer de se doubler. C'est assez tendu. Et là arrive la dernière nuit. Et alors là, c'est virement choco total. Puisque ils vont tous essayer de se trahir, mais alors parce qu'ils se comprennent pas avec leur accent. Ils ont tous un traducteur à la maison. Un qui vient du nord, un qui vient du sud de l'Écosse. Mais Jean-Claude, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends rien sur le pognon là. Et alors là, virement choco total, puisque ils vont tous se trahir, mais à la même heure de la nuit. Il faut savoir qu'Ewan McGregor à 10 minutes près, le mec il s'en sortait quoi. Non, il fallait tous qu'ils se réveillent en même temps quoi. Bah non, mais McGregor il passait un coup de fil. Du coup, d'ailleurs, le téléphone rouge de la maison a un fil de 54 mètres. Ouais. Lui, il appelle les flics à 3h du mat, quoi. Il peut pas descendre dans la rue, appeler d'une cabine, quoi. C'est plus simple, hein. Bah, quand t'as un téléphone à la maison, tu vois pas. Oui, c'est vrai. À quoi bon dépenser de l'argent? Ça sent que t'as 600 000 balles dans le grenier. là, alors, lui, il veut, alors, celui-là qui a les lunettes, il veut partir avec la thune. Donc, il s'habille, il met un petit costume, il prend la mallette avec le pognon dedans. Elle le surprend. Oui. Pendant ce temps-là, Ewan McGregor, il appelait les flics. Et là, il y a règlement de compte, bastonnade, opération coup de poing, opération coup de couteau. Ouais. Alors, petite astuce pour nos auditeurs qui éventuellement se feraient peut-être cambrioler chez eux ou agresser. Mmh. Quand vous avez un agresseur qui va vous agresser chez vous, amenez dans la cuisine et ouvrez le frigo et mettez sa tête dedans et tapez-le avec la porte du frigo. C'est une méthode qu'on voit dans tous les films américains, ça marche très efficace. Mais en plus, c'est complètement con parce que c'est peut-être le seul coin où il y a des petits coussinets. Mais non, mais même, tu sais, t'as du plastique un peu mou, tu sais, qui va amortir, quoi. Ça c'est surtout, ça risque de faire tomber tes bouteilles de Guinness, quoi. Putain, t'as fait tomber tous les légumes. Donc là, cette scène est pas mal, hein. Grosse montée en puissance, musique de l'extrême. Ah ouais, là, alors... c'est de la trance. Non, c'est de la jungle. Non, c'est des trucs de piano un peu dissonants. Non. Tu peux reproduire la même chose chez toi. Si t'as un piano et un chat, tu le poses dessus et t'attends. Ça fait la scène finale de ce film. Ne pas, surtout pas faire l'inverse, hein. Surtout pas poser le piano sur le chat. Ça va lui faire mal à la patte. La fin est très cool. Je sais pas si on la raconte. Non, on la raconte pas. Profitez-en. De toute façon, j'espère que si la fin est cool. Le dernier plan est cool. Est vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Non, mais même au-dessus, toute la fin, même cette scène. Ah oui, ça pourrait être le seul film qu'on spoil pas. D'accord. Je suis d'accord. Putain, on est sympa, hein, aujourd'hui, hein. On est vraiment sympa, je vous. Moi, je vous reconnais plus, les gars. Je vous reconnais plus. Voilà, moi globalement, j'ai bien réaimé ce que j'ai vu. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Tout à fait. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors, j'ai 6 commentaires, 5 étoiles, uniquement du 5 étoiles sur Petit Meurtre en Famille, il y en avait pas mal, c'est ce qui se comprend. On commence par David Istas sur Amazon, je préfère le préciser tout de suite. Ils sont gratinés à Amazon. Qui dit « Au nom de tous les miens, article toujours pas reçu à ce jour, je suis toujours en attente de le recevoir, veuillez faire le nécessaire, bien à vous, David Istas, 5 étoiles !» Mais il attendait Braveheart, le gars. C'est quand même incroyable. Je pense qu'il a écrit au mauvais endroit son truc. Mais surtout, c'est incroyable de faire un commentaire de réclamation en commençant par au nom de tous les miens. Mais surtout, il signe 5 étoiles. Antoine Renaud qui dit vous voulez supprimer quelqu'un? Petit Meurtre entre amis vous en dévoile le mode d'emploi complet. 5 ah étoiles. Bon, bah ça va. Et ça fait... marche, 3 petits points. Ouais, quand même, ça nous est tous arrivé de renverser un clodo avec la bagnole et de devoir s'en débarrasser quand même, les gars. Alors, 100% de satisfaction, hein, c'est vrai. Alors, on a Migère qui nous dit, ça doit être un massif, il fait. Ah, big up, on l'a pas dit, mais big up à tous les massifs de Londres. De Londres. Massifs, hein. En voilà un film qui fait triper, quoi. Là, ça, c'est la voix du massif, alors. La trouvaille est plutôt marrante, quoique pas pour le pauvre gars qui se fait découper en rondelles. 5 étoiles, man. Alors après, on a le fan absolu d'Elf70 qui commence par « Ah, mon Danny c'est quand je vois et que je revois tous tes films que je me dis que t'es vraiment le meilleur. Je ne connais pas un seul réalisateur qui a su t'égaler jusqu'à maintenant. Et que dire de ce Petit Meurtre en Tamis ? C'est ton premier film, franchement, il est trop fort ce film. Comment peut-on ne pas aimer ? Bref, Danny, en 95, tu avais un avenir bien prometteur. Aujourd'hui, nous sommes en 2008 et ton talent, oh, que dire, c'est le plus grand. Voilà, j'ai fait bref. Mais ah, putain, j'ai tout dit. Je vais te montrer ce que c'est qu'il y a de bref. Est-ce que Danny a liké ce commentaire ou pas? C'est important. Alors, petite anecdote, à ce qui paraît, Danny Boy a pleuré en lisant ce commentaire. Ouais, oui, d'accord. Oui. Donc, 5 étoiles. Ensuite, on a Deltotti qui dit « Super film de Danny Boyle ». Oh, l'argent peut rendre dans de sacrés états. 5 étoiles. Mais c'est pas un documentaire, hein, Deltotti, hein, il n'y a pas bien compris. J'adore le pragmatisme. Et enfin, on finit avec Tanzir qui nous dit « Juliette était alléguée contre David ». Quoi? Attends, on change d'accent là, mec, on comprend rien. Si, si, Juliette était alléguée contre David, que je pensais être le plus fort. Ce grand timide, archétype même de la Fiat molle, était un peu du genre du gars dont les 3 colocataires se sont moqués au début. Et je me suis un peu demandé ce qu'il fallait. Ce qu'il faisait. Ah, car si on devait jouer à chercher l'intrus, ce serait lui qui partirait d'office. Cependant, ce pauvre garçon un peu mou surmonte toutes ses peurs envers le découpage du canard. Et va même plus loin. Il devient complètement psychotique. Ce qui donne une autre dimension au film que j'ai beaucoup aimé. On en vient donc à se demander si ce n'est pas, si ce n'est pas lui le plus fou, mais aussi le plus sage. Celui qui passe derrière les deux autres pour réparer toutes leurs bêtises. Avec un début d'expérience à la clé. Ensuite, ça change. On s'imagine le pauvre Alex est seul contre tous vers la fin. Ensuite, il semblerait que Juliette était tout prévu, mais que son plan ne comptait pas Alex. En fait, je ne sais pas vraiment si j'ai bien compris. Il fallait que je le revoie, mais je pense qu'ils ont tous essayé de se tirer le magot pour eux tout seuls. 5 étoiles. Ça va, les gars? Ouais, ça va, je suis sous le choc, là. Étrangement, j'ai compris ce que le mec a dit. C'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est étrange, en effet. Bah, en même temps, on dialogue toujours avec cet accent quand on se fait au téléphone avec Mickaël, donc je commence à le maîtriser. Cette musique me met. Ça me met en joie là. Bon, allez, on est content, on a passé un bon épisode alors. C'était bien, les gars, vous êtes contents. C'était notre avis et celui des autres sur Petit Meurtre entre amis. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine, mais avant, j'aimerais vous faire part d'une nouveauté alors que le Patreon ferme ses portes. Nous avons une nouvelle idée. Et Dieu sait qu'on en a des idées. On en a 6 par avec semaine. Le pognon qu'on met dans la recherche, j'aime autant dire que des idées, on en a plein. Ça fourmille, hein, ça fourmille. Au début, on voulait recommercialiser une forme de magnétoscope, mais ça demande trop d'argent. On a un truc plus simple. Je vais changer de musique parce que c'est beaucoup trop triste. Voilà. Ah, c'est celle-là qu'il fallait. La go, vas-y, mon tapot. Ok. Petit buvard, tranquille. Alors, parle-nous de ton idée. Alors, c'est pas mon idée, c'est notre idée. Oui, c'est notre idée. C'est un jeu concours. Alors, il vous suffit. Alors, qu'est-ce qui a gagné déjà? On s'ennuie, on se languit, on s'est fait planter 2 fois d'affilée par les filles. Donc, du coup, on se dit, trouvons de nouveaux chroniqueurs de 2 heures de perdu. Et là, c'est un grand. Pas non plus un casting, hein, qu'on soit bien. C'est une forme de casting quand même. Quand t'en parlais au téléphone, tu m'as dit casting. Non, en fait, ce serait pour un épisode unique. Pour un épisode. Inviter un auditeur à venir avec nous, donc il choisirait le film. Comment participer à ce grand concours? Alors, il faut envoyer. Il faut montrer c'est qui domine. Pour que ça monte en tour. Il faut nous envoyer un extrait audio. De moins d'une minute, j'insiste bien sur moins d'une minute. Si ça fait plus d'une minute, on l'écoutera pas. Pas de montage audio, donc pas de cut dans tous les sens à la vidéo YouTube parce que c'est insupportable. Et l'idée, c'est de parler pendant une minute de ce que vous voulez. Il faut que c'est quand même un lien avec le cinéma ou avec du film que vous voudriez faire chroniquer. Alors ne faites pas les commentaires 5 étoiles parce que ça c'est nous. N'imitez pas Fan de Coach puisque sa mère m'a appelé et ça ne la fait plus rire. Et vous nous envoyez tout ça par mail à l'adresse 2heuresdeperdu@gmail.com. Et le titre du mail, vous mettez 3615 plus le mot que vous voulez. 2 en chiffres, heures de perdu. Ouais. @gmail.com. Ouais, bah après vous allez sur 2hdp.fr et puis oui, il y a le mail en bas. On vous débrouillez quoi, c'est bon. Et donc si vous gagnez, on sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'on va arrêter, quand on aura reçu suffisamment d'extraits. Et celui qui nous fera marrer, il viendra en faire un avec nous. À la bande franquette, hein. Alors un ou une, hein, d'ailleurs, je dis ça, mais les filles peuvent participer d'ailleurs. Mais bon, vu qu'il y en a peut-être que 3 qui nous écoutent. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des chèvres du Pentagone. Eh oui. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine.